Chapitre 15. Le lendemain, j'allais donc au lycée faire ma classe comme à l'ordinaire. De là, je devais revenir à la maison, déjeuner avec Laure et me rendre à la mairie. En rentrant, je fus frappé de l'air préoccupé de Laure, et comme la moindre impression qu'elle éprouvait avait en moi son contre-coup, je fus tout d'abord inquiet et presque troublé sans savoir pourquoi. Cependant, nous dissimulions tous deux, faisant effort pour parler de choses banales et peu intéressantes. Je lui donnais des nouvelles de ma classe, du proviseur, du recteur, du censeur. Je lui racontais les bons mots de Martine et les calembours du professeur de sixième, mais plus j'essayais de rire et de la faire rire, et plus la conversation se refroidissait. Enfin, n'y tenant plus, je me levai de la chaise où j'étais assis et passant fraternellement mon bras autour du cou de Laure, je lui demandai avec une tendre brusquerie « Voyons, qu'as-tu ce matin? Es-tu souffrante? Te repens-tu de ta promesse d'hier? Regrettes-tu de faire mon bonheur? Parle, mais parle donc !» Elle se retourna lentement, me tendit la joue et me dit « Je t'aime, n'est-ce pas tout ce qu'il faut? Ne m'interroge pas, j'ai des vapeurs. » Cette réponse m'étonna, car Laure n'était pas capricieuse, mais il fallut m'en contenter. Cependant, la conversation languissait toujours. Je me promenais avec impatience dans la salle à manger, ne sachant que faire ou que dire, et un peu irrité du silence de Laure. « Voyons, lui dis-je, tu ne me quittes plus, n'est-ce pas ? Non. Tu m'aimes toujours, plus que jamais. Tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles d'Henriette ? Non, non, non. Mais, dit-elle en se décidant tout à coup, j'aime autant te parler de cela tout de suite, puisqu'aussi bien il m'est impossible de le cacher. J'ai reçu ce matin une lettre. Une lettre ? Dis-je étonné. Et de qui ? De M. de Boréas. Lis-toi-même. Je dépliai la lettre en tremblant et je lus ce qui suit. Mademoiselle, pardonnez-moi de vous écrire ce que je n'ose vous dire moi-même. Je vous aime. Je vous en supplie, ne riez pas d'un vieillard sous les lèvres de qui le mot d'amour semble presque un sacrilège. Cet amour, mademoiselle, n'a rien qui puisse vous offenser. Depuis 2 mois, je vous vois et je vous admire. Toutes mes pensées, les pensées d'un octogénaire, se tournent vers vous. J'oublie mon âge pour ne penser qu'à vous, à votre beauté, à votre candeur divine, à ce charme qui respire dans toutes vos paroles. Je ne puis être votre père, je voudrais être votre mari, mais avec les sentiments et le respect d'un père. Voilà le terrible secret que je n'osais vous dire, mademoiselle, et duquel dépend tout le bonheur du peu de jours qu'il me reste à vivre. Je sais, quelle folie c'est d'espérer de vous quelque retour, et cependant, si j'osais me flatter de cette espérance, que puis-je vous demander? Quelque amitié pour moi, un respect filial, et en échange, je serais heureux, mademoiselle, d'assurer à votre frère et à vous un avenir tranquille et digne de vous deux. Laure, ma chère Laure, écoutez ma prière. J'ai peu de temps à vivre. Et je ne vous demande que de porter mon nom pendant ce court intervalle et d'accepter la fortune que je vous offre. Un autre, plus heureux que moi, pourra se faire aimer de vous et quand j'aurai cessé de vivre, assurer votre bonheur. Que me faut-il à moi? Passer mes derniers jours auprès de vous et savoir que votre main amie consent à me fermer les yeux. Laure, je vous en supplie, ne me refusez pas ce bonheur. Soyez ma fille et mon héritière. Consentez à être ma femme et ne craignez pas que j'use contre vous de l'autorité d'un mari. Je ne demande au ciel que d'avoir le droit de vous offrir la seule chose qui manque à votre frère et à vous, la richesse. Je n'ose aller chez vous et recevoir de vive voix votre réponse, mais je me mets à vos genoux pour l'implorer. Et si elle doit être défavorable, je ne vous reverrai jamais. Charles de Boréas. On se figure aisément ma surprise et mon chagrin. Je ne doutais pas de la réponse de Laure, mais je plaignais ce pauvre Boréas d'avoir gardé un cœur si jeune dans un âge aussi avancé, et j'étais attristé de perdre le seul ami véritable que j'eusse trouvé à Rougebaron. Laure partageait mes sentiments. « Eh bien, dis-je enfin après un long silence, qu'as-tu répondu ?» « Ma réponse, dit Laure, est encore sur la table. Lis. Monsieur, j'espère que Gaston Phoebus et moi, nous ne perdrons pas un ami tel que vous, et dont l'amitié nous est si précieuse. Gaston Phoebus n'est pas mon frère, il est mon fiancé et mon cousin Germain. les noms de frères et de sœurs que nous nous sommes toujours donnés. Sa mère est devenue la mienne par adoption. En causez votre erreur. Soyez, comme toujours, notre ami, monsieur, et soyez sûr que la femme de Gaston Phoebus, notre mariage sera fait dans un mois, ne sera pas pour vous une fille moins respectueuse et moins affectionnée que l'aurait été sa sœur. Laure. As-tu, ajouta-t-elle, quelque observation à faire? Aucune, chère âme de ma vie, tu es un ange, et tout ce que tu fais sera bien fait. Mais quelle fatale coïncidence! Qui aurait pu croire qu'un homme de cet âge... Aimerais-tu mieux, dit-elle en riant, que monsieur de Boréas n'eût que 25 ans? S'il n'avait que 25 ans, je lui couperais la gorge. Rendons grâce à l'Éternel, qui l'a fait naître 60 ans avant toi, et envoie la lettre toi-même, dit Laure.